بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il s'est renfrogné et il s'est détourné. أن جاءه الأعمى Parce que l'aveugle est venu à lui. وما يدريك لعله يزكى Qui te dit, peut-être cherche-t-il à se purifier. أو يذكر فتنفعه الذكرى Ou à se rappeler en sorte que le rappel lui profite. أما من استغنى Quant à celui qui se complaît dans sa suffisance pour sa richesse, فأنت له تصدى Tu vas avec empressement à sa rencontre. وما عليك ألا يزكى Or, que t'importe qu'il ne se purifie pas. Et quant à celui qui vient à toi avec empressement, tout en ayant la crainte, tu ne t'en soucies pas. N'agis plus ainsi, vraiment ceci est un rappel. Quiconque veut, donc, s'en rappelle. Consigné dans des feuilles honorées. Élevé, purifié. بأيدي سفرة entre les mains d'ambassadeurs كرام بررة noble, obéissant قتل الإنسان ما أكفره que périsse l'homme qu'il est ingrat من أي شيء خلقه de quoi Allah l'a-t-il créé من نطفة خلقه فقدره. D'une goutte de sperme, il le crée et détermine son destin. ثم السبيل يسره. Puis il lui facilite le chemin. ثم أماته فأقبره. Puis il lui donne la mort et le met au tombeau. ثم إذا شاء أنشره. Puis il le ressuscitera quand il voudra. كلا لما يقض ما أمره. Eh bien non. L'homme n'accomplit pas ce qu'il lui commande. فلينظر الإنسان إلى طعامه. Que l'homme considère donc sa nourriture. C'est nous qui versons l'eau abondante. Puis nous fendons la terre par fissure. Et y faisons pousser grains. وعنبا وقضبا vignobles et légumes وزيتونا ونخلا oliviers et palmiers وحدائق غلبا jardins touffus وفاكهة وأبا fruits et herbages متاعا لكم ولأنعامكم pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Puis quand viendra le fracas, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, وأمه وأبيه de sa mère et de son père. وصاحبته وبنيه de sa compagne et de ses enfants. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه car chacun d'eux ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. وجوه يومئذ مسفرة ce jour-là, il y aura des visages rayonnants. ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ riants et réjouis. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ de même qu'il y aura ce jour-là des visages couverts de poussière. تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ recouverts de ténèbres. أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ voilà les infidèles, les libertins.